Oui, ô messager d'Allah. Il leur dit alors, réjouissez-vous, car vous allez obtenir ce que vous souhaitez. Par Allah, ce n'est pas la pauvreté que je crains pour vous, mais que vous soient offertes les richesses de ce monde, comme elles furent offertes à ceux qui vous ont précédés. Que vous rivalisiez les uns avec les autres pour les obtenir, comme ils l'ont fait. Et qu'elles causent votre perte, comme elles ont provoqué la leur. Al-Bukhari et Muslim. 458. Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu, rapporte. Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, s'assit sur le mimbar et nous prîmes place autour de lui. Il dit, je crains en particulier pour vous, après ma mort, que vous soient offerts les charmes de ce monde. Al-Bukhari et Muslim. 459. D'après Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu, le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit, ce bas monde est savoureux et verdoyant, et Allah Ta'ala vous fera hériter les uns des autres, et il verra ensuite comment vous agirez. Prenez donc garde à ce monde et aux femmes. Muslim. 460. Selon Anas, radiyallahu anhu, le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit, ô Allah, il n'y a de véritable vie que celle de l'au-delà. Al-Bukhari et Muslim. 461. D'après Anas, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit, trois choses accompagnent le mort jusqu'à sa tombe. Sa famille, ses biens et ses œuvres. Deux en reviennent, sa famille et ses biens. Et une reste avec lui, ses œuvres. Al-Bukhari et Muslim. 462. D'après Anas, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit, on fera venir l'homme parmi les damnés de l'enfer qui aura le plus joui de ce monde. Et on le trempera alors une seule fois dans l'enfer, puis on lui dira, ô fils d'Adam, as-tu jamais été heureux? As-tu jamais connu de plaisir? Il répondra, non par Allah, ô Seigneur. On fera ensuite venir l'homme parmi les élus du paradis qui aura été le plus misérable dans ce monde, et on le trempera une seule fois dans le paradis, puis on lui dira, ô fils d'Adam, as-tu jamais connu de misère? As-tu jamais été malheureux? Il répondra, non par Allah, je n'ai connu ni misère, ni malheur. Muslim. 463. D'après Al-Mustawrad ibn Shaddad, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit, ce monde, en comparaison à l'au-delà, est semblable à ce que l'un d'entre vous retire de l'océan en y introduisant le doigt. Qu'il regarde donc ce qu'il en retire. Muslim. 464. Jabir, radiyallahu anhu, rapporte. Alors que le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, traversait le marché entouré de ses compagnons, il trouva un chevreau mort dont les oreilles étaient courtes. Il le saisit par son oreille et dit, « Qui veut ceci pour un dirham ?» Ses compagnons répondirent, « Nous n'en voulons pas quel que soit le prix, et d'abord, qu'en ferions-nous » Il poursuivit, « Qui le veut gratuitement ?» Ils répondirent, « Par Allah, même s'il était vivant, il aurait une tare à cause de ses petites oreilles, à plus forte raison alors qu'il est mort. » Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, dit, par Allah, ce monde a moins de valeur pour Allah que ce chevreau mort n'en a à vos yeux. Muslim. 465. Abu Dhar, radiyallahu anhu, rapporte. Je marchais à Médine, en compagnie du prophète, alayhi salatu wassalam, sur une terre recouverte de pierres noires. Arrivé devant le mont Uhud, il me dit, ô Abu Dhar. Je répondis, à ton service, ô messager d'Allah. Il dit, je n'aimerais pas posséder l'équivalent de cette montagne en or et en conserver un seul dinar 3 jours d'affilée, sauf de quoi payer une dette, sans le distribuer aux serviteurs d'Allah, comme ceci, comme cela, ou encore comme cela, indiquant sa droite, sa gauche et derrière lui. Puis il avança, alayhi salatu wassalam, et ajouta, les plus riches seront les plus misérables le jour de la résurrection, hormis ceux qui dépensent leur argent, comme ceci, comme cela, ou encore comme cela, Il indiqua sa droite, sa gauche et derrière lui. Or, ceux-là sont bien peu nombreux. Puis il me dit, « Ne bouge pas d'ici jusqu'à mon retour. » Il avança à nouveau jusqu'à disparaître dans l'obscurité de la nuit. J'entendis une voix forte, et craignant qu'on ait attaqué le prophète, je voulus le rejoindre. Mais je me rappelais son ordre, « Ne bouge pas jusqu'à mon retour. » Je restai donc à ma place jusqu'à son retour, puis je l'interrogeai. « J'ai entendu une voix et j'ai eu peur, » racontai-je. « L'as-tu entendu ? » me demanda-t-il. « Oui, » répondis-je. « C'était l'ange Gabriel, » dit-il, « qui est venu me dire, « Quiconque de ta nation meurt sans rien associer à Allah, entrera au paradis. »« Même s'il a commis la fornication et volé ?» demandai-je. « Oui, » répondit-il, « même s'il a commis la fornication et volé. » Al-Bukhari, dont c'est la version, est muslim. 466. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit « Si j'avais l'équivalent du mont Uhud en or, je n'aimerais pas en conserver un seul dinar 3 jours d'affilée, hormis de quoi payer une dette. » Al-Bukhari et Muslim. 467. Selon Abu Huraira, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « Regardez ceux qui sont dans une position inférieure à vous, et non pas ceux qui sont dans une position supérieure, car cela vous empêcherait d'apprécier les grâces qu'Allah vous a accordées. » Al-Bukhari et Muslim, dont c'est la version. Selon la version d'Al-Bukhari, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « Quand l'un de vous est tenté de regarder celui qui a été favorisé par rapport à lui dans la richesse et le physique, qu'il regarde plutôt celui qui est dans une position inférieure à lui. » 468. Abu Huraira, radiyallahu anhu, rapporte que le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit « Malheur à l'esclave du dinar, du dirham, de la qatifa et de la khamisa, deux vêtements de luxe. Si on lui en donne, il est satisfait, et si on l'en prive, il est mécontent. » Al-Bukhari. 469. Abu Huraira, radiyallahu anhu, rapporte. J'ai vu 70 hommes de la Souffa, les compagnons pauvres qui vivaient dans la mosquée du prophète, alayhi salatu wassalam. Pas un seul ne portait un haut de vêtement, rida, mais seulement un pagne, un izar, ou une simple étoffe qu'ils nouaient autour du cou et qui, pour certains, leur arrivait au milieu du tibia et pour d'autres, au niveau des chevilles. Ils le retenaient alors de la main, de crainte que n'apparaissent leurs parties intimes. Al-Bukhari. 470. Selon Abu Huraira, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « Ce monde est la prison du croyant et le paradis du mécréant. » Muslim. 471. Selon Ibn Omar, radiyallahu anhuma, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, le prit un jour par l'épaule et lui dit « Sois dans ce monde comme un étranger ou un voyageur de passage. » Ibn Omar disait « Lorsqu'arrive le soir, n'attends pas d'être au matin, et le matin, n'attends pas d'être au soir. Profite de ta bonne santé pour œuvrer en prévision de la maladie, et profite de ta vie pour œuvrer en prévision de la mort. » Al-Bukhari. Ce hadith fut interprété ainsi. Ne te repose pas sur ce monde et ne le considère pas comme un lieu de séjour stable. Ne crois surtout pas que tu y vivras longtemps ou qu'il faille lui prêter une quelconque attention. Et ne t'y attache pas comme l'étranger ne s'attache pas à un pays qui n'est pas le sien. Et ne t'en préoccupe pas comme l'étranger qui souhaite retourner dans son pays. Et Allah est le garant du succès. 472. Abu al-Abbas Sahl ibn Sa'd as-Sa'idi, radiyallahu anhu, rapporte. Un homme se rendit auprès du prophète, alayhi salatu wassalam, et lui dit, « Ô messager d'Allah, indique-moi un acte qui me vaudra l'amour d'Allah et celui des gens. » Il répondit, sallallahu alayhi wa sallam, « Abstiens-toi des biens et des plaisirs de ce monde. » Az-Zuhd. Allah t'aimera. et abstiens-toi de ce qui appartient aux gens, ils t'aimeront. » Hadith bon, rapporté notamment par Ibn Majah avec de bonnes chaînes de narrateurs. 473. D'après An-Nu'man ibn Bashir, radiyallahu anhuma, Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, mentionna les biens de ce monde que les gens avaient amassés, puis ajouta. J'ai vu le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, se tordre de douleur une journée entière, ne trouvant pas même des dattes de mauvaise qualité pour se remplir le ventre. Muslim. 474. Aïcha, radiallahu anha, a dit. Lorsque le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, mourut, il n'y avait chez moi rien qui puisse être mangé, si ce n'est un peu d'orge que je conservais dans un garde-manger. J'en ai mangé pendant une longue période, mais lorsque j'en ai mesuré la quantité restante, il s'épuisa. Al-Bukhari et Muslim. 475. Amr ibn al-Harith, le frère de Juwayriya bint al-Harith, l'épouse du prophète, radiyallahu anhuma, a dit. Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, n'a laissé à sa mort ni dinar, ni dirham, ni esclave. Rien si ce n'est sa mule blanche qui lui servait de monture, ses armes et un terrain laissé en aumône aux voyageurs de passage, puisque les biens des prophètes ne peuvent être hérités. Al-Bukhari. 476. Khabbab ibn al-Arat, radiyallahu anhu, a dit. Nous avons émigré avec le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, pour le visage d'Allah, ta'ala, qui nous inscrivit notre récompense. Certains parmi nous sont morts sans avoir joui de leur salaire à l'image de Mus'ab ibn Umair, radiyallahu anhu, qui fut tué à la bataille d'Uhud. Il laissa un vêtement en laine si court que lorsqu'on lui couvrait la tête, ses pieds se découvraient et inversement. Le prophète, alayhi salatu wassalam, nous ordonna alors de lui couvrir la tête et de placer de l'ithrir, du jonc parfumé, sur ses pieds. D'autres parmi nous ont vu leurs fruits mûrir et ont ainsi pu les cueillir, c'est-à-dire qu'ils ont obtenu, en récompense de leurs œuvres, les biens de ce monde avant leur mort. Al-Bukhari et Muslim. 477. D'après Sahl ibn Sa'd as-Sa'idi, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « Si ce bas monde valait pour Allah l'aile d'un moucheron, il n'aurait pas accordé une seule gorgée d'eau aux mécréants. » At-Tirmidhi a dit « Hadith Hassan Sahih. » 478. Abu Huraira, radiyallahu anhu, rapporte avoir entendu le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, dire « Ce monde est détestable, littéralement maudit. Et ce qu'il contient l'est également. À l'exception de l'évocation d'Allah Ta'ala et son obéissance, ainsi que le savant et celui qui recherche le savoir. » At-Tirmidhi a dit, Hadith Hassan. 479. Selon Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit, n'acquérez pas de propriété, car elle pourrait vous conduire à désirer ce bas monde. At-Tirmidhi a dit « Hadith Hassan ». 480. Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiyallahu anhuma, rapporte. Nous étions en train de réparer notre hutte faite de roseaux lorsque le prophète, alayhi salatu wassalam, passa devant nous. Il demanda « Que faites-vous ? » Nous répondîmes « Nous la consolidons car elle est devenue fragile. » Il dit, alayhi salatu wassalam, « Je crois que le terme est plus proche que cela. » Abu Dawud et At-Tirmidhi avec une chaîne isnad d'Al-Bukhari et de Muslim. At-Tirmidhi a dit « Hadith Hassan Sahih ». 481. Ka'b ibn Iyad, radiyallahu anhu, rapporte qu'il a entendu le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, dire « Chaque nation a une tentation. Celle de ma nation est l'argent. » At-Tirmidhi a dit « Hadith Hassan Sahih ». 482. D'après Othman ibn Affan, radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit « L'homme n'a d'autre droit que ces quatre-là. Une maison où habiter, un vêtement dont il couvre ses parties intimes, ce qui pour l'homme est compris entre le nombril et les genoux, du pain et de l'eau. At-Tirmidhi a dit hadith sahih. Hadith jugé faible par Sheikh Al-Albani. Rahimahullah. Abdullah ibn Shikhir, radiyallahu anhu, rapporte qu'il se rendit auprès du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, alors que ce dernier récitait le verset « La course aux richesses vous distrait », sourate 102, verset 1. Il dit, alayhi salatu wassalam, « L'homme dit, mes biens, ô fils d'Adam, possèdes-tu de tes biens autre chose que ce que tu as mangé et consommé, ce que tu as porté et usé, ou ce dont tu as fait aumône et qui vraiment demeure ?» Muslim. 484. Selon Abdullah ibn Mukhaffal, radiyallahu anhu, un homme a dit au prophète, alayhi salatu wassalam, « Ô messager d'Allah, par Allah, je t'aime. Réfléchis bien à ce que tu dis, dit le prophète, alayhi salatu wassalam. Par Allah, je t'aime, répéta l'homme à trois reprises. Si tu m'aimes vraiment, dit-il, alayhi salatu wassalam, alors prépare-toi à une vie de misère. Car la pauvreté touche ceux qui m'aiment plus rapidement que le torrent n'atteint sa destination. At-Tirmidhi a dit, hadith Hassan. Hadith jugé faible par Sheikh Al-Albani. Rahimahullah. 485. Ka'b ibn Malik, radiyallahu anhu, rapporte que le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « Deux loups affamés, lâchés dans un troupeau de moutons, font moins de dégâts que la course aux richesses et aux honneurs n'en cause à la religion de l'homme. » At-Tirmidhi a dit « Hadith Hassan Sahih. » 486. Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, rapporte « Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, s'endormit sur une natte, puis se releva. Nous vîmes alors les traces laissées sur son flanc par la natte et nous lui proposâmes « Ô messager d'Allah, et si nous t'apportions un matelas confortable ?» Il répondit, alayhi salatu wassalam, « Qu'ai-je à faire de ce monde ? Je ne suis ici-bas que comme un cavalier qui s'est assis à l'ombre d'un arbre, puis s'en est allé en le laissant derrière lui. » At-Tirmidhi a dit « Hadith Hassan Sahih. » 487. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « Les pauvres entreront au paradis 500 ans avant les riches. » At-Tirmidhi a dit « Hadith Hassan Sahih. » 488. Selon Ibn Abbas et Imran ibn al-Husayn, radiyallahu anhum, le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit « J'ai vu le paradis, la plupart de ses habitants sont des pauvres. Et j'ai vu l'enfer, la plupart de ses habitants sont des femmes. » Al-Bukhari et Muslim. 489. D'après Usama ibn Zayd, radiyallahu anhuma, le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit « Je me suis tenu devant la porte du paradis et j'ai vu que la majorité de ceux qui étaient entrés étaient des pauvres, alors que les riches n'étaient pas encore autorisés à y entrer, sachant que ceux destinés à l'enfer y avaient déjà été conduits. » Al-Bukhari et Muslim. Ce hadith a déjà été cité au chapitre sur le mérite des faibles, numéro 258. 490. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit « La parole la plus véridique jamais dite par un poète est celle de l'Abid. Certes, tout en dehors d'Allah est vain. » Al-Bukhari et Muslim.